Courant alternatif. Portrait d'un pornographe. Benny Montrésor, décorateur d'opéra, illustrateur de livres d'enfants, cinéaste, auteur de Pilgrimage et La Messe Dorée. Extrait de la lettre du 28 novembre 1974, rendant compte de l'avis de la commission de censure italienne. La commission de censure, après vision du film, exprime son opinion défavorable pour l'obtention du visa d'exploitation publique de La Messe Dorée, considérant, quelles que soient les intentions et la thématique de l'auteur, l'ouvrage dans son ensemble comme la représentation presque ininterrompue de rapports lesbiens, incestueux et orgiaques, souligné d'un érotisme malsain, manifestement contraire à la morale publique. On a l'impression qu'il y avait une certaine spontanéité. Alors que quand on voit un film pornographique, on sait que les gens ne se voient que pour ça. Que pour arriver à des fins pornographiques. Alors que dans ce film, ces situations pouvaient très bien se présenter tout à coup à l'imagination des protagonistes et elles auraient pu se passer comme ne pas se passer. C'est l'impression qu'on a en voyant le film. Que ça a été tout à coup un climat général qui pour chaque personne a résulté dans un sens différent. Que ce soit la scène des deux filles faisant l'amour ou... Du petit groupe de filles et de garçons, ou du couple qu'on voit au début dans la salle à manger, tout ça, j'ai l'impression que c'était très fortuit et pas du tout préparé par les. Et même les rencontres étaient tout à fait de hasard. C'est-à-dire que je me dis que si je m'étais trouvée à cet endroit avec ces gens, à ce moment-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je crois qu'il y a un enchaînement dans les actions à partir d'une atmosphère donnée. C'est là un enchaînement duquel on ne répond pas, forcément. Benny Montrésor, êtes-vous pornographe? Je ne sais pas. Tu sais, avant tout, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la pornographie à la fin. Je trouve que le mot pornographie, c'est un jugement moraliste. Et c'est comme à dire les sales. Bon, peut-être les sales pour les autres... Peut-être elle était un peu sale pour moi avant de les faire. Maintenant, elle est plus sale parce que c'est quelque chose que je connais. Tu sais, on dit sale les choses qu'on ne connaît pas. On trouve que c'est sale l'inceste, l'homosexualité, l'onanisme, je ne sais pas, tout ce que s'appelle les perversions parce qu'on ne les connaît pas. Quand finalement on a le courage de les faire et la force de les faire, on voit que c'est... Ils ne sont pas sales du tout. Ils sont ainsi simples, ainsi doux que tout le reste, que faire l'amour de la façon conventionnelle. Et faire l'amour de la façon conventionnelle aussi peut être très sale. Je pense que très souvent, ou presque toujours, c'est sale. Et presque partout le monde. Parce qu'à la fin, le problème, c'est ça. No? Comme on peut se perdre dans les autres. Et ça, c'est, je pense que c'est le vrai sens de faire l'amour avec les autres. Mais tu ne penses pas que c'est quelque chose de... C'est une sensibilité finalement très, très féminine. Ah, certainement. J'ai souvent l'impression que tu voudrais comme ça que l'humanité soit plus féminine. Ah, certainement. Il faut, absolument. parce que maintenant, nous ne sommes rien. Alors, tout le côté masculin de l'humanité, il est sec. On peut plus. C'est avec la côté masculin. On dit la côté masculin. Oui, oui. Nous sommes arrivés sur la Lune. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? De la poussière. Alors là, on ne peut pas plus aller plus la loin. La poussière. La poussière, oui. Alors je pense qu'il faut rentrer dans soi-même et chercher le côté féminin et chercher dans l'obscurité et dans les noirs de nous-mêmes s'il y a, une autre route. On dit route. Oui. Ouais. Pour commencer à marcher encore, pour commencer à vivre encore. J'aimerais bien que tous ces gens qui ont dit que c'est de la pornographie, aient le courage de le dire. La sourde hostilité qui s'est manifestée chez plusieurs à l'égard de la baisse dorée trahit-elle le désarroi que provoque une façon de sentir et de penser parfaitement étrangère, voire inassimilable pour les habitudes de juger qui prévalent en ce moment chez les esprits parisiens? Pierre Klosowski. Il ne s'agit pas seulement de questions de qualité ou d'efficacité d'un mode d'expression, en soi toujours discutable, tel que la fabrication d'un film. Ce genre d'écriture ou de peinture, techniquement transposé, reste encore et toujours sujet à caution. Et résoudre les problèmes qui conditionnent ce genre dépendra finalement de l'obstination qu'un réalisateur met à communiquer son obsession. Si l'auteur procède d'un climat de sensibilité spirituelle et psychique aussi complexe que celui du Vénitien béni mon trésor, il ne servira de rien que sa mise en scène, les nuances de ses tableaux puissent être référées, comme il le fait, à des exemples familiers chez nous, tels Delacroix ou Gustave Moreau. Les stéréotypes qui constituent les réflexes du discernement de la critique en ce domaine ne coïncideront pas avec ce que la prédilection de l'auteur pour cette optique picturale prononce essentiellement. L'auteur ne considère nullement comme une audace de n'avoir transcrit à l'écran, tel un accomplissement de ses nostalgies oniriques, ses motifs les plus intimes de sa communication. Il ne s'agit pas d'un exhibitionnisme scandaleux, comme d'aucuns l'ont ressenti, qu'ils ont rangé sous la rubrique paresseuse de la pornographie pure et simple. Ce qui veut dire qu'il aurait dû se maintenir au niveau dès lors toléré, sinon consacré, de la production dite érotique. Il faudrait savoir au juste ce que signifie cette distinction édulcorante et jusqu'où va l'érotisme, où commence la pornographie et en quoi la vision obscène de l'acte charnel diffère proprement d'une vision qui le filtre à dessein de le suggérer mieux. S'il en est ainsi, la vision obscène serait donc repoussante, comme le meurtre, et moralement, elle serait plus salubre, propre à en dégoûter. En revanche, la vision purement suggestive serait d'autant plus pernicieuse, efficace, ce que d'ailleurs, personnellement, je crois. Mais l'art intervenant ici, je rejette absolument la justification de l'érotisme, si l'on veut, par les qualités prétendument supérieures des moyens esthétiques mis en œuvre. Il me semble que plus ces moyens seraient raffinés, plus ils contribueraient à rendre l'obscénité seulement suggérée d'autant plus efficace. car encore une fois, ce que l'on nomme pudiquement érotisme n'est rien d'autre que l'élégante appréhension de la vision obscène. Mais pourquoi dis-je obscénité? N'est-ce pas parler le langage de ceux qui n'admettent la vie corporelle que d'un point de vue utilitaire, qui donc la mutile et considère que la volupté ne témoigne pas précisément de la dignité humaine, que l'âme se serait retirée des organes sexuels parce que la conscience n'y est pas. Le corps n'est bon que pour l'usine, pour l'armée, pour la natalité, un petit quart d'heure seulement, etc. Alors moi j'ai voulu montrer tout ça avec amour et disant à les gens, si vous êtes des voyeurs, si vous aimez vous masturber, c'est bien, il faut le faire. Il faut écouter son corps et son désir plus profond parce que c'est pas sale, c'est ton propre vérité, on fait mal à la personne. Ça touche à des refus. À des refus, oui. Et ça c'est vraiment... Ainsi naïf, parce que quand on connaît que presque tout le monde en vit de ça, et c'est pas moi que je le dis, parce qu'en Amérique on parle toujours de ça, le New York Times parle ouvertement de ça, tous les magazines on aide les gens à se masturber, à être plus libres, on a besoin de les faire, d'y faire, parce que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour la santé, c'est pas mauvais pour la morale, la morale publique. Et c'est une façon comme une autre de s'exprimer, non? Parce que je pense qu'il faut savoir faire l'amour avec son corps aussi. Il faut savoir faire l'amour avec les autres, avec son corps aussi. Et tu sais, quand moi je lis Santa Teresa d'Avila, moi, et cette sensation très physique de Dieu qui la possède, pour moi c'est impossible de ne pas voir cette femme qui s'est masturbée pensant à Dieu. On sent que elle s'est touchée. Alors, tu sais, là, c'est une chose que vraiment, je ne sais pas pourquoi ils sont. Parce qu'après, je fais la scène de les mains avec le sperme, avec les autres. Et c'était vraiment le moment le plus. Sous le décor, il y avait un moment de panique. Ouais. C'était cosmique. Tu sais, quand on le voit, quand on le voit, il y a un moment de panique aussi, je pense. Dans la salle, oui. Je pense que toutes ces choses sur le sexe, c'est vraiment effrayant. Parce que c'est le dernier résultat de l'âge de la plastique. Non? Du plastique, oui. Du plastique, oui. Parce qu'on parle toujours le sexe, et le devenir ainsi hystérique. Au contraire, il faudrait parler de le corps, pas de le sexe. Alors, tu vois, il faut se coucher avec tout le monde, et si on ne couche pas, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, comme ça. Et c'est vraiment... Et c'est vraiment effrayant. Moi aussi, très souvent, des gens me viennent à dire « Est-ce que tu es hétérosexuel? Est-ce que tu es homosexuel? Qu'est-ce que tu es ?» Et c'est horrible, ça, parce que moi, je n'ai pas trouvé... Je ne vais pas me mettre une... Comment dire? Une étiquette. Une étiquette. J'espère d'être tout. Et j'essaie d'être tout. Il faut se laisser aller. Il faut s'écouter. Et surtout, jamais dire à soi-même, mon Dieu, qu'est-ce que je suis? Je suis devenu un monstre. Parce que nous ne sommes pas un monstre. Nous sommes seulement des êtres mal faits. Mal fait parce que nous avons jamais eu la possibilité de nous exprimer complètement. Et alors, au lieu d'être des arbres, nous sommes seulement des troncs, non? Parce que nous avons coupé tous les... Les feuillages, non, parce que c'est une feuille, il est un peu différent, alors il faut couper parce que oh, c'est effrayant, non? C'est une feuille qui est d'une couleur que personne d'autre là. Et c'est une fleur, elle est différente. Alors, au lieu d'être un arbre, nous sommes seulement des troncs plastifiés. Et nous sommes là, nous nous protégeons, on est protégeant. Oui. Oui. Parce que vraiment, j'ai une idée de la vie, et qu'à la fin, c'est l'idée de Dieu, un sens horizontal. Non? Moi, je me cherche de me perdre dans les choses autour de moi. Je ne regarde jamais en eau. Pour moi, l'eau, il est... Tu sais, ça me fait toujours penser un peu à ce que Freud raconte de la sexualité de l'enfant. Il dit que les enfants sont des pervers polymorphes, comme ça. Parce que justement, ils touchent tout. Ouais. Ils touchent tout, ils mettent tout dans la bouche. Et je pense d'une certaine manière que tu es un enfant. Ah, et tu que tu veux absolument rester un enfant. Mais j'espère. Non ? Oui. Et j'espère d'être pas un adolescent, ouais, parce qu'il n'y a plus de, rien de plus effrayant. Et que tu essaies de provoquer chez les autres, parce qu'il y a un côté provocant quand même. Tu essaies de provoquer chez les autres des réactions infantiles. Infantiles. Tu penses pas? Mais à la fin, les enfants, ils sont merveilleux. Si tu regardes, ils connaissent beaucoup plus de tout nous. Hein. Et tu vois, les enfants, ils font tout et ils sont innocents, non? Ouais. C'est un adulte, il fait les mêmes choses, il est sale. Non, mais j'espère... C'est pour ça, dans le fond, que tu as fait des livres pour enfants. Peut-être. Mais tu sais, Christ aussi, dans l'Évangile, dit, il faut... Vous n'entrerez jamais dans les... Comment dire? Dans le règne du ciel, ça ne nous arrête pas comme les enfants. C'est ça l'essence profonde de ces mots. Chez mon trésor, le geste muet découle du sentiment, et le sentiment ne cherche qu'à s'exprimer dans l'ordonnance rituelle des gestes. Aussi, l'ambiance de l'action serait sent-elle de maintes obscures réminiscences des déesses matriarcales, du culte en particulier de la Virgo Celestis, l'initiatrice des matrones, du cérémonial de la Magna Mater Cybele, cérémonial qui, chez mon trésor, n'est qu'improvisé de façon tâtonnante par les jeunes gens modernes qui entourent la mère instigatrice, laquelle, dans son état hystérique, s'en prend à la jeune fille farouche et fermée qui fera les frais du sacrifice, ce que les Romains nommaient le sacrifice de la chasteté. Les garçons ne sont ici que les instruments en quelque sorte irresponsables, se complaisant dans leur irresponsabilité comme l'exigerait une société matriarcale organisée. Il n'est pas indifférent, dans notre contexte, de relire le passage de saint Augustin, décrivant le culte de la Virgo Celestis, c'est-à-dire évoquant un souvenir d'adolescence à Carthage, où il avait grandi et où il avait, en tant que spectateur fort sensible, assister à ce rituel. L'ambiguïté du culte de cette divinité s'exprime par le fait que dans le secret du sanctuaire, les néophytes étaient censés être initiés à la chasteté. Vraisemblablement, s'agissait-il de révéler dans la jouissance libidinale l'image de la fruition de l'immortalité, thème propre au culte initiatique des mystères Éleusinien, Éphésien, Isiaque. Mais dans la seule unité extérieure, une fois enseigné le sens anagogique, c'est-à-dire spirituel de la volupté, le mystère s'enveloppait de spectacles obscènes. Où et quand les consacrer à la déesse Celestis? C'est Augustin qui parle. Où et quand les consacrer à la déesse Celestis étaient-ils initiés aux préceptes de la chasteté? Nous l'ignorons. Mais devant son temple, où nous contemplions sa statue, la foule affluait de toutes parts. Nous cherchions à nous installer le mieux qu'il se put pour considérer avec l'attention la plus vive les jeux qui se déroulaient, portant alternativement le regard sur les processions des courtisanes et sur la déesse vierge. On l'adorait avec supplication en même temps que l'on célébrait devant elle des rites honteux. Là, aucun mime, aucune actrice qui témoigna la moindre pudeur. Par conséquent, c'est un spectacle, n'est-ce pas? Les offices n'y étaient qu'un tissu d'obscénité. On savait ce qui plaisait à la déesse virginale, et de la sorte, chaque épouse, chaque mère de famille s'en revenait chez elle plus instruite, plus experte de ce qu'elle avait vu exhiber au temple. Si certaines femmes plus pudiques détournaient le regard devant les gestes indécents des acteurs, ce n'était que pour apprendre mieux l'art du vice à la faveur d'une attention furtive. Elles avaient honte de regarder franchement le spectacle impudique en présence des hommes, mais elles osaient beaucoup moins condamner d'un cœur chaste les rites sacrés de la déesse qu'elles vénéraient. On avait ainsi l'occasion d'apprendre publiquement au temple ce qu'au moins on cherchait à ne perpétrer que secrètement chez soi, et ce qu'il y a ici d'étonnant, c'est que les mortels, par un dernier sentiment de pudeur, pour autant qu'en subsistât quelque chose, ne voulussent point commettre librement sur place les infamies apprises religieusement au contact des dieux, au risque de les voir sévir si l'on ne prenait soin d'exhiber immédiatement ce qu'ils prescrivent. Mais quand le film a été interdit en Italie, c'est finalement plus pour des raisons religieuses que pour des raisons de censure morale. On dit que c'est pornographique et obscène. Mais en fait, c'est la messe qui a été censurée, non? Mais à la fin, je pense que c'est un film profondément anti-catholique, ça c'est tout. Hein. Et en même temps, un film profondément catholique, je pense. Tu penses que c'est un film catholique? Pas chrétien? Chrétien, oui. Chrétien, oui. Oui. Oui. Certainement, c'est un film plein d'amour, plein d'amour, oui. Parce que vraiment, moi, j'ai pensé, je suis un peu prêtre. J'ai pensé, tu sais, au côté, enfin, au rituel des premiers chrétiens, avec le symbole du serpent. Mais l'atmosphère, ils sont tous là dans le noir, tout ensemble, attendant le moment de sortir. Avec en même temps ce sentiment comme ça de la décadence qu'il y a dû y avoir, toute la décadence du monde antique, enfin, de la mort. Attendant de sortir. J'ai senti je pense qu'on vit un moment un peu comme ça. J'espère que c'est comme ça. J'espère que la lumière bientôt. Que les nouveaux messies viennent bientôt. Portrait d'un pornographe, Bénis mon trésor. Avec Pierre Klosowski et Henri Ronce. courant alternatif. Viviane Vandenbroek, Robert Gachassin, Louis-Charles Sirjac.